Enseignement donné à Bruxelles en juillet 2019 par le vénérable Sayadaw Unna Nujota. Buddha has once interrupted the mind of Prabhu. Every Buddha has talked about three facts in his Dhammato. Every Buddha talks about these three factors. Tous les Bouddhas ont parlé de trois choses. Ne pas faire le mal, c'est éviter de faire des actes négatifs. Faire des choses positives et se purifier l'esprit. Les Bouddhas ont toujours parlé de ces trois choses. Donc ces trois choses, éviter le mal, faire le bien, se purifier l'esprit. Donc à part ces trois choses, on n'a rien besoin d'autre. Donc éviter le mal, ça veut tout simplement dire s'abstenir des choses dont il a été question quand on a pris les préceptes. S'abstenir essentiellement de ces cinq actes qui sont négatifs. Si on observe les cinq préceptes et qu'on s'abstient de faire ces cinq choses négatives, comme tuer, voler, se serait conduire sexuellement, prendre des intoxicants, mentir, si on évite ces choses-là, automatiquement on fait le bien. Et si on est amené à se méconduire, à faire ces actes négatifs, c'est à cause de lobha, le désir avide, dosa, la colère et moha, l'ignorance. Dès le moment où on a de la colère dans l'esprit ou du désir avide dans l'esprit, dosa et lobha, automatiquement les actions négatives sont performées. Est-ce que vous avez déjà rompu les préceptes moraux? C'est à cause de lobha et de dosa, donc désir avide et colère. Et si on rompt les préceptes moraux, le châtiment va être là, on sera convoqué par la police. Et si on s'entraîne à respecter ces préceptes moraux quotidiennement, on fera de moins en moins d'actions négatives. Donc on a pris les cinq préceptes maintenant. Pendant combien de jours pensez-vous qu'on va les respecter? Next year I come back. Ça y est, nous revient l'année prochaine, donc il vous demande d'essayer de tenir le coup pendant un an. You have still got good deeds, many good deeds. Rompre ses préceptes, c'est faire obstacle aux actions positives. Donc, si on veut faire des actions positives, eh bien, il suffit de respecter les préceptes moraux. Si on respecte les préceptes moraux, automatiquement, les actions sont positives. Donc, les actions positives, c'est essentiellement dana, la générosité, sila, la moralité, les préceptes moraux comme on vient de faire maintenant, et bhavana, la méditation, que ce soit la méditation vipassana ou la méditation samatha. Dana, sila. Bhavana. Bhavana is the concentration inside the meditation to samatha and vipassana. Yes. Samatha guru, bhavana kusa. Donc dans bhavana, la méditation, il y a deux sortes de méditation. Samatha, la méditation de la concentration, et vipassana, la méditation de la vision pénétrante. Dana, ça veut dire se montrer généreux et partager ce que l'on a avec les autres. Ne pas tout garder pour soi. C'est pas nécessaire de donner énormément, on peut donner très peu, mais si l'intention de donner est présente, c'est très bien, c'est du dana. Si là, c'est donc l'observance des préceptes moraux. Pour ce qui est de la méditation, d'abord la méditation samatha, un exemple de méditation samatha, c'est la méditation sur l'amour bienveillant. C'est une méditation qui appartient à samatha. Na avyo homi, avyo homi. Thank you. samatha. Ça c'est samatha. Samatha kusala. L'autre méditation, c'est vipassana, c'est ce qu'on a fait ce soir. Et donc, on va s'entraîner ainsi à samatha et à vipassana. Et quand la concentration aura atteint son accomplissement, on va réaliser le chemin et le fruit, la conscience du chemin et du fruit. Par exemple, on s'est réunis ce soir pour pratiquer la méditation tous ensemble et nous avons offert le lieu, si vous voulez. Et bien ça, c'est Budon, c'est Dana. Donc on peut offrir des abris, c'est une forme de Dana. Donc il y avait d'abord s'abstenir du mal et faire le bien. Donc là, on vient de parler du bien. Et donc la troisième chose que nous devons faire, c'est nous purifier l'esprit. Et ça, on va pouvoir le faire par la pratique de vipassana. Donc par la pratique de vipassana, quand on pratique vipassana, on se concentre sur les différents objets qui se manifestent. Et c'est impossible que les impuretés mentales pénètrent dans l'esprit. Donc au moment où on pratique, il n'y a ni loba, ni dosa, ni mora dans l'esprit. L'esprit se purifie. Donc au moment où on pratique vipassana et qu'on le pratique correctement, il est impossible que ces impuretés mentales pénètrent dans l'esprit. Donc pendant tout le temps de la méditation, l'esprit est libre de ces impuretés, donc l'esprit est pur à ce moment-là. Sayadaw a donné la technique, il a expliqué comment pratiquer vipassana, et donc la seule chose qu'on a à faire, c'est pratiquer. Vous pouvez pratiquer chez vous, c'est pas obligatoire de venir ni ici ni dans un centre de méditation pour une retraite. Donc on mange tous les jours, on n'oublie pas de manger, mais il ne faut pas oublier non plus de méditer. Donc si vous oubliez de méditer, vous négligez de méditer, eh bien essayez de négliger aussi de manger. Vous ne méditez pas, vous ne mangez pas. Yes. Donc de la même façon que vous allez vous regarder tous les jours dans la glace pour voir si vous êtes présentable, je vais dire, si vous êtes bien, eh bien, vous devez aussi vous regarder dans un miroir qui va vous dire que vous avez l'esprit pur ou que vous n'avez pas réussi à obtenir un esprit pur. Qu'est-ce que vous trouvez qui est plus important, être joli physiquement ou avoir l'esprit pur? Both. Plus les kilesas, donc désirabilité, colère et ignorance diminuent, plus on devient beau. Donc ça vous encourage vraiment à pratiquer tous les jours de façon à ce que quand vous vous regarderez dans la glace le matin, vous vous trouverez beau. Ça vous souhaite à tous de méditer tous les jours. Je vous souhaite aussi de finalement atteindre un nibbana. C'est ça. You promise. You promised. Do you this meditation? Vous promettez à Sayadaw de méditer chez vous? Sadhu, sadhu. Say, I say sadhu, sadhu, just the two times. Normalement on dit ça deux trois fois, mais il ne le dit que deux fois parce que bon, c'était pas très, très évident. Que va m'aider là? Any questions? Vous avez des questions? Ben moi j'ai une question. C'est une question qui me revient depuis longtemps. Hein. Donc lorsque l'on médite, et qu'il y a des pensées qui viennent, on dit pensée, pensée, ou s'il y a des sons, on dit son, son, voilà, ou vision, vision. Et puis on revient sur sa respiration. Alors que pour la douleur, on peut regarder la douleur, d'où elle vient, où elle va. Comment elle disparaît quand on revient sur sa respiration, tout ça. Mon questionnement est de me dire, mais pourquoi ne fait-on pas, ou ne peut-on pas faire la même chose pour la pensée, le bruit, entendre et puis voir le bruit qui disparaît ou ta respiration, tout ça. Voilà. Sayadaw explique que quand tu notes par exemple un son, tu notes entendre et ce son ne dure qu'une fraction de seconde. Oui, c'est vrai. Et donc tu reviens à l'abdomen parce que le son n'est plus là, il n'y a plus d'objet si tu veux. Même s'il y a un nouveau son qui apparaît, tu renotes entendre. Mais c'est un nouveau son qui est apparu. Ou bien si tu as une pensée, tu penses, tu notes pensée, au moment où tu notes pensée, elle n'est plus là. Mm-hmm. Et à l'abdomen. Oui. Donc là, la douleur, elle reste un bon bout de temps là. Alors tu continues à la noter parce que tu ne la vois pas disparaître. Mm-hmm. Par contre, les pensées, tu notes pensée, c'est fini, elle n'est plus là. Donc tu vois nettement qu'elle s'arrête, alors tu reviens. Le son aussi, tu notes entendre, et puis il apparaît, tac, c'est fini, il n'est plus là. Donc il n'y a plus d'objet, donc tu reviens à l'abdomen. Tandis que la douleur, elle reste. Suite à cette question, je voudrais savoir aussi, est-ce qu'il faut vraiment noter, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, ou bien ça y est, quand le son est là, on entend, on note, entend. Mais parfois, c'est pas, j'ai pas le temps de noter, mais je reviens directement à la respiration. Est-ce que c'est... Donc vous revenez à la respiration sans avoir vraiment noté en temps. Voilà. Donc c'est vraiment en temps, mais comme automatique, ça revient à la respiration automatiquement. Automatiquement. Est-ce que c'est pas bon ou bien il faut noter? Si c'est noté, c'est un peu tard déjà, parce que je reviens déjà. Yes. Mm-hmm. Donc vous devez essayer de noter immédiatement, et si vous êtes trop tard, c'est pas grave, l'esprit est déjà sur l'abdomen, c'est bien. Sayadaw explique que le yogi doit se comporter comme une araignée au sein de sa toile, quelque chose vibre sur la toile, elle court voir de quoi il s'agit, elle l'enrobe de son fil, elle revient. Mais parfois elle n'a pas le temps, peut-être que l'insecte s'est déjà envolé ou quoi, c'est pas grave, elle revient à l'abdomen, au centre. Mm-hmm. Moi j'ai tendance à augmenter la respiration quand je me concentre, alors que Sayadaw a dit que c'était la respiration naturelle. Est-ce que ça c'est un problème? Bon, Sayadaw conseille de respirer naturellement, normalement, sans forcer. Si tu forces, tu vas te fatiguer et tu seras très vite épuisé. Si tu ne sens pas bien les mouvements, tu peux mettre ta main sur l'abdomen pour mieux les sentir. Combien de temps par jour vous conseillez minimum de pratiquer? Yes, au moins 45 minutes. Mm-hmm. En une fois. Mais si tu peux augmenter, c'est très bien. Mm-hmm. Une heure, c'est déjà très bien. Une autre question. Pourquoi certains jours ou bien certaines fois, je peux méditer plus long sans pris le vagabond de pas, pas souvent comme certains jours, il y a mon esprit qui va vagabonde plus. Donc, c'est-à-dire la qualité de méditation n'est pas la même, pas régulière. Donc, Sayadaw dit, ça dépend en fait de chacun, ça dépend du méditant. S'il fournit vraiment l'effort et qu'il oblige son esprit à rester sur l'abdomen, il pensera moins. Mais si l'effort est moins fort, évidemment l'esprit a la possibilité de vagabonder. Et si on a vraiment beaucoup de difficultés et que l'esprit, par exemple, a des pensées de colère ou des pensées de désir à vivre, peu importe, ou bien on peut très bien laisser tomber Vipassana pendant un instant et pratiquer la qualité du Bouddha. Ou bien pratiquer Metta, l'amour bienveillant. C'est toujours loba et dosa. Loba, c'est le désir avide, dosa, c'est la colère. Sometimes it's a habi. Habi is the loba. Sometimes the angry is the dosa. Donc parfois on est heureux, on est bien, c'est loba, le désir avide. Parfois on est fâché, on n'est pas bien, c'est dosa, la colère. J'ai remarqué que ce n'est pas nécessairement le loba ou loba qui vient, c'est l'esprit neutre qui vient. Si ton esprit est agité et que tu n'arrives pas à méditer correctement, ce n'est pas une action positive, parce que la méditation a raté, si on veut. à ce moment-là, tu dois pratiquer soit les qualités du Bouddha, soit la méditation sur l'amour bienveillant, et ça, tu vas y arriver, et ça, c'est une kusala, une action positive. Puis, si vous sentez que votre esprit est un peu agité comme ça, avant de commencer à méditer, vous pouvez, si vous avez un petit hôtel devant vous, donner, offrir des fleurs au Bouddha, réciter ses qualités, faire des pratiques dévotionnelles pour calmer, et puis vous pouvez pratiquer metta, l'amour bienveillant, et de cette façon, votre esprit va devenir tout doucement plus concentré et vous pouvez méditer. Ok, ça Yadou explique que pour en ce qui le concerne lui, quand il ne se sent pas bien, eh bien il fait ça, il fait des pratiques dévotionnelles, il rend hommage au Bouddha, et puis il pratique metta pour se calmer. Vous connaissez la formule Namo Tassa? C'est ça, c'est ça, rendre hommage au Bouddha. C'est que j'ai récité avant la méditation. Si vous avez 40 ans, vous devez le réciter 40 fois. you should do that chande on the bus, no? On the bus, on the tree. Chande on the bus, on the tree. Vous pouvez chanter ça mentalement, comme ça. Quand vous êtes dans le bus, dans le tram, l'idée c'est de garder le contrôle de l'esprit, que l'esprit s'en aille pas n'importe où. Il faut, si on n'a rien à faire, réciter mentalement ces formules pour que l'esprit reste à l'intérieur et ne parte pas dans toutes sortes de trucs négatifs. Can you recite 40 times or 50 times? Every day. Ah, not three times. Sometimes, now I'm over 60, sometimes I chant just 60 times. Don't you want the kusala? Si vous voulez accumuler des kusala, les kusala, c'est des actions positives. It is a good makeup. The best makeup. C'est une bonne méthode, dit Sayadeu, la meilleure méthode. Yeah, anything coach? Quelqu'un qui n'a presque jamais médité ou qui ne médite pas d'une façon régulière, s'il veut commencer d'une façon régulière, j'imagine qu'il ne faut pas d'emblée méditer 30 minutes ou 45 minutes, mais plutôt... Combien de temps êtes-vous au bureau? Oui, 8 heures. Alors, ou bien tu aimes l'argent et tu n'as pas tellement envie d'accumuler des kusala, des actions positives. pour ce qui est de l'argent, on ne pourra l'utiliser que dans cette vie-ci. Par contre, si on accumule des kusala, on les emmène avec soi tout au long de son existence dans le samsara. On emmène ça avec soi, les kusala. Donc, même si on n'a pas envie, on doit quand même méditer de la même façon que... On doit se nourrir pour rester en vie. Même si on n'a pas envie de manger, on doit quand même manger un peu pour rester en vie. Yes. Donc il ne faut pas tellement penser est-ce que j'ai envie ou pas envie de méditer. C'est pas ça qui doit nous motiver. Ce qui doit nous motiver, c'est d'accumuler des kusala. Okay, any question? Tout à l'heure, en commençant la méditation, on a mentionné le fait que pour les sons, quand c'était des sons ordinaires, ou j'ai compris ordinaire, qu'on ne devait pas les noter, uniquement si c'était des sons plus... soudains. Oui. Est-ce que du coup, les sons qui sont un peu des bruits constants, ou par exemple ici on entend passer le tram ou une voiture, ou quelqu'un qui bouge, est-ce qu'on considère ça comme des bruits ordinaires Ça veut dire donc que ce sont les sons qui sont récurrents, auxquels on n'accorde pas d'attention. Par exemple, le ventilateur, ça tombe tout le temps. Ouais, ou bien le tic-tac de l'horloge, ça tombe tout le temps. Ou bien le son des voitures qui passent dans la rue, c'est tout le temps. Ça, on ne fait pas attention à ça. Donc on accorde de l'attention uniquement aux sons qui sont soudains. Par exemple, quelqu'un qui tousse tout à coup. Ça, on doit faire attention. Pour les odeurs aussi, les odeurs par exemple dans le jardin qui sont constantes, on n'accorde pas d'attention. Ouais. Mais s'il y en a une tout à coup qui devient vraiment très claire, là oui. Oh yeah, do every day, do practice every day. Quand je médite, il y a deux cas de figure. Ou bien je note, mais alors parfois sur une expiration, une inspiration, allez, j'ai plein de choses que je note. Par exemple, bon, je note inspiré, puis je sens un gratuit, oui. Un gratuit, puis je chante quelque chose, et ça devient assez énervant au bout d'un moment. Ou alors, je note l'inspiration et l'expiration, comment je vais dire, sauf si j'ai vraiment un goût très, très soudain ou quelque chose de vraiment très dominant. Mais je remarque qu'à la fin, quand je fais ça, j'ai un peu comme madame, je ne note plus, je me rends compte que j'ai eu une pensée, mais quelques secondes après, quoi. Donc je ne reviens pas dessus, mais sur le moment même, je suis moins attentif. Si par exemple tu observes les mouvements d'abdomen et qu'il y a une pensée qui arrive, tu dois noter la pensée. Tu notes pensée, pensée. Tu abandonnes l'abdomen un instant pour noter la pensée. Dès que tu l'as notée, elle s'arrête, tu reviens à l'abdomen. Yes. Et si par exemple tu observes les mouvements de l'abdomen et que tu as tout à coup, en imagination, tu te vois rencontrer quelqu'un, tu dois noter, rencontrer. C'est un objet qui est apparu, et puis tu reviens à l'abdomen. Mmh. C'est parfois très, très rapide, et allez, parfois sur une seule inspiration, il y a 4-5 objets comme ça. Ok. Et à la fin, c'est un peu... Source d'agitation. Oui. Ok. Pour les douleurs, c'est la même chose. Il est possible parfois qu'on en sente partout dans le corps. Eh bien, on doit prendre que celles qui sont vraiment très claires, les plus fortes. Yes, donc le plus important, c'est de méditer régulièrement tous les jours. At least half an hour. Au moins une demi-heure. Tout. Every day you watch it. Si on veut être des êtres humains par excellence, eh bien on devrait faire ça. Éviter le mal, faire le bien, se purifier par la pratique de Vipassana. Donc on doit méditer tous les jours une demi-heure pour devenir des êtres humains à part entière. Ok, alors, interview, cosy, non? Channa, le dukkha, yashi javasi. Yeah, I wish you all, may you all be well and happy and have a peaceful mind. Sadhu. Imaya. Imaya. Dhamma. Dhamma badibadiya. Bhuddham bhujemi. Imaya. Imaya. Dhammanu dhammapadipadiya. Dhammanu bhujemi. Imaya. Imaya. Dhammanu dhammapadipadiya. Sangam bhujemi. Imaya. Imaya. Dhammanu dhammapadipadiya. Madha vidaro. Madha vidaro. Bhujemi. Imaya. Imaya. Dhammanu dhammapadipadiya. Ajariyo pujemi. Ajariyo pujemi. Ada imaya. Ada imaya. Padibadaya. Padibadaya. Jaramaranama. Jaramaranama. Parimochesami. Parimochesami. idam e silam idam e silam maga phala jnana sa maga phala jnana sa pajjayo pajjayo odu imano imano punya bhagam punya sabba sadhanam sabba sadhanam dema dema sabbe sadha sukhida sukhida ondu ondu sadhu sadhu sadhu. Par ma pratique du Dhamma, je rends hommage au Bouddha. Par ma pratique du Dhamma, je rends hommage au Dhamma. Par ma pratique du Dhamma, je rends hommage au Sangha. Par ma pratique du Dhamma, je rends hommage à mes parents. Par ma pratique du Dhamma, je rends hommage à mes professeurs. Puissais-je, par ma pratique, assécher en moi les purulences. Puissais-je, par ma pratique de Sila, réaliser le chemin et le fruit. Je partage mes mérites avec tous les êtres. Puissent tous les êtres être heureux et en paix. Bien dit, bien dit, bien dit. Bien dit, bien dit, bien dit. Sadhu, sadhu, sadhu. Every day, at the home, do like that. Bien dit, bien dit, bien dit. Okay? Okay. Thank you. Thank you very much. Okay, next is, yeah, Kandu says, thank you.